Non, mais je sais même pas, je sais même pas. Non, mais tu te retrouves en face d'un mec qui pique, il va te poser la question. Tu vas lui dire, ouais, notre vision, c'est... Non, mais nous, on comprend, mais tu sais, c'est compliqué de... Moi, je comprends que tu veuilles attendre un mot là-dessus. Le truc, c'est que c'est compliqué de définir ça, parce que c'est... En fait, notre vision, c'est nous, tu comprends ? Parce que vous avez, vous avez un truc en particulier que personne n'a, ici, là. Et donc, moi, je dis, quand on vous pose une question, tac, faut savoir vous vendre direct, 30 secondes, bam, t'as fermé la gueule, le mec. Ouais, je suis d'accord avec toi. Après, moi, je sais même pas si dans 10 ans, je serais capable de mettre un mot sur notre vision. Je pense que notre vision, c'est nous-mêmes, en soi, tu vois, c'est le travail qu'on rend, c'est nous, et puis il ressemble à nous trois, et c'est Purple Vision, comme disait Lenny, comme disait KXR, c'est... Ouais, parle bien. c'est nous trois, Purple Vision. D'ailleurs, vous pouvez ajouter Lenny ici sur Snapchat, ajouter. Les meufs, c'est cadeau, ça, c'est cadeau. Les meufs, c'est cadeau. Ok, ok. Je propose une mini-pause... Octogone. Vas-y. Une pause musicale, il est 23h, ça veut dire il nous reste une heure devant nous. J'ai encore plein de sons à passer. Donc j'avais Lil Uzi Vert, Lil Yachty, Don Toliver, Outstanding, Nuit, Méchant, Joke, Daddy. Vous voulez quoi ? Méchant, envoie-nous un méchant. On envoie, on reste dans l'actualité. Allez, on reste dans l'actualité. Allez, c'est bon. Purple Vision dans les studios de Radio Sud, radiosud.net, 101.8, il est 23h. On est là encore une heure jusqu'à minuit. C'est les invités du jour. Pour tous ceux qui kiffent les clips, tout ça, il faut écouter l'émission. Allez vous abonner, Purple Vision Studio. Purple Vision Studio sur YouTube et Purple Vision Studio sur Instagram. On est là, c'est Shao et Junes, comme d'hab, tous les jeudis, 22h minuit. Radio la 25e, tous les jeudis. Ciao, Junes. 22h minuit. Radio-sud.net. 101.8. Hey. Baba Banks. King. Baba Banks. King. Baba Banks. De la belle. Baba Banks. Ouais, Annie. Baba Banks. Tiens. T'es ma gueule, t'es ma gun, t'es ma caisse, check il a vol, tout pour le fric, nickel le buzz, check il a cheat, check il a bum, fils de deux buts, tu es encore dans les jazz, sortir garde d'avant avec 30 000 euros, vendre la C, ça nous porte la poisse, vendre les 10, ça rend pas plus heureux, ramène ta pote, nous on est deux, j'm'arrache du bloc, quand y'a les bleus, j'monte sur le vélo pour faire ce qu'il est filci, bendo la bendo, c'est pour les mecs d'ici, putain de merde, j'suis sur écoute, millions de vues n'a pas changé ma vie, qui sont les tops, qui sont les loups, où sont les tapes, ramenez les nous, ça fait un moment, j'me suis pas pétard, j'ai comme des pulsions dans mon corps, envie d'en finir avec ces bouffons, envie de les cogner, envie de voir du sang. Ça fait un moment que je me suis pas pétard, maintenant le prolique fait le taf. Nous c'est les méchants, eux c'est les schmetta, tous mes acolytes sont des braves. Je peux pas faire doucement, t'es mal à Gova, je suis dans le Audi RS3. Fais de l'oseille en dormant, et quand je me réveille, j'allume mon pétard dès le matin. Allez, va là-bas, dégage, tu sais qu'on est les pauvres, tu sais qu'on est les kids. Ils ont pété la gueule, ils ont pété la trompe. Je suis ressorti du poste, oui, je remets mes lacets. Dégage. Je remets mes lacets, méchant, je suis un tank, encore nous. Ils ont pas un, ils ont pas un, c'est des menteurs, c'est des menteurs. Nous on est OG depuis le départ, on peut donner le go. On va tuer ta maman, dans un quart d'heure, dans un quart d'heure. Nous on est OG depuis le départ, on peut donner le go. De Guadada. Et c'était pas pour les vacances, hein. Chameau l'a chargé de zipette, 80€ la conso, 80€ la conso. On était nia, mais on s'est noyé dans le Jackie au miel. On s'est fait mêler, on en a mêlé, mais ils ont planté, maintenant c'est de la merde. Elle est va tous trahis pas l'omerta, jamais. Si y'a personne pour la ramener, je la ramène. Est-ce que tu me remets mon négro? Est-ce que tu me remets mon négro? Hein? Je suis celui qui valait rien aujourd'hui, qui voit tout. Je vois que ça galère avec ça, bébé, rien du tout, mais rien que ça fait les shows. Je vais me fâcher, il est déconseillé de hausser le ton. Maintenant c'est nous les fucking boss du jeu. Si on veut, on se barre dès demain. Mon putain de pilon fait des buts, je les attends qu'à l'âge dans mon bain. En vrai, j'en avais rien à foutre. Je voulais du bif sans faire la une. Méchant. Les charros m'ont dit sans allez, aucune bain. Dégage. Tu sais qu'on est les bons, tu sais qu'on est les kings. Ils ont pété la gueule, ils ont pété la trompe. Je suis ressorti du poste, oui. Je remets mes lacets. Dégage. Je remets mes lacets. Méchant. Je suis un tank, encore nous. Ils ont pas un, ils ont pas un. C'est des menteurs, c'est des menteurs. Nous on est OG depuis le départ, on veut donner le go. On va tuer ta maman dans un quart d'heure. Dans un quart d'heure. Nous on est OG depuis le départ, on va donner le go. Annie c'est méchant, fait du fuck, on le fait pour tous les charros. Tiens, retiens. Annie c'est méchant, fait du fuck, on le fait pour tous les charros. Tiens, retiens. Hey. très très très méchant. Vous êtes toujours sur la 25ème. Holy shit, nique leur politique. J'étais rentré que de mesure, tu penses déjà au repeat, man. Holy shit, le nègre est prolifique. La malle est ramollie, les petites mettent de l'amour dans mon système. Résidu de cocaine sur le pot de pêche, gris. J'pense à mes âmes perdues, que Dieu les protège. Holy shit, les dieux sont illicites. Tu comptais pas donner ton cul, fallait pas venir ici. Tu pensais t'être débarrassé de moi, mon négro. Réserve des pages dans ton agenda, mon négro. On peut qu'en vouloir à l'humanité. J'fais de plus belles images que ces bâtards en arabe liqués. Tête dans la cuvette, dans la cuvette. Famas pour t'allumer, pas d'allumer. Femme à lunettes, femme à kikette. Bourre au cognac, mes négros chantent à tu-tête. Je vais percuter le chat sur ces bâtards du net. J'vais mouiller les fliquettes, y'a du champagne qui pète. J'vins de son bœuf, j'ai le bras long, une pétasse, qu'a les jambes à carambeux. Talentueux, parlons cash, parlons peu, on vient, on casse. Qui parle contre eux, on parle qu'en eux. Est-ce leur comme un marchand de bœuf? J'ai besoin d'un kick, une caisse claire, une carabine. Winchester, abracadabra, négro, corps caverneux dans ton sphincter. L'homme descend du singe, descend des hommes. Mon des plans de bâtard pour que son frère évolue dans le désordre. Le plan est marécageux, j'aime même pas les gens qui m'aiment. Tu crois que je pense quoi des rageux? On a grandi dans des cages, donc l'esprit est noir et vaseux. Je suis incompris comme une métaphore. Mon âme se condense en flot lorsque toutes mes pensées s'évaporent. Les plans s'élaborent, c'est pas en cul, putain la vie. Tu risques de tromper la mort, nique leur mère. Va prendre ton liquide à tribord et babord. Seul toute la journée, paye ta chatte. J'paye ma tournée, j'fais des méga sales, du méga sale. Longtemps son règlement dans la foulée. Le temps qu'il m'a donné, doit l'honorer. Togo, Lomé, Ousso, Odé. Oui, tu me connais, nique leur radio. La suite des événements va corroborer. Cheer. Amen. Cheer. La 25ème, tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao, Jounes. 22h, minuit. Radio-Sud.net 101.8. Yeah, la 25ème. Je reprends toujours de la même manière. ça fait plusieurs mois. Donc c'était. Niska, Nino, Méchant. Et le son de Joke. Alors celui-là, je l'ai saigné fort. 2014 à l'infini. T'es lourd. Pardon. Je vais pas revenir à chaque fois sur l'artiste parce que j'ai plein de questions à vous poser, moi. Donc, on parlait de Purple, on parlait de tout ça, de tout ça, de tout ça, de vos modèles. Là, dans les derniers clips qui sont sortis, on va dire tout confondu, que ce soit rap américain, rap français ou autre, est-ce que vous avez un clip là qui artistiquement correspond exactement à votre vision? Suite KX, mec. KXR Palace. ouais, j'aime bien. À notre vision, je sais pas, parce qu'en vrai, genre, chaque réalisateur est différent, mais. Alors moi, par exemple, un clip qui m'a inspiré, c'est Lil TK Ransom. On y revient encore. Franchement, Le clip, c'est un truc de ouf, je trouve. Ouais, nous, on aime beaucoup. Les clips de Lil TK, ils sont lourds aussi. Et pourquoi, call, en fait. Pourquoi lui plus qu'un autre? Parce c'est quoi que c'est. Qui vous... Parce qu'il vous ressemble là-dedans, tu vois. En vrai, c'est pas forcément qu'il nous ressemble. Mais c'est pas comme nous on fait. Mais ouais, c'est pas du tout comme nous on fait, mais ça nous inspire en fait. Ouais, on trouve ça vachement beau, artistique. Mmh. Parce que c'est encore Cole Bennett et c'est un des meilleurs, si ce n'est le meilleur. Le meilleur, en fait. Ouais. Ok. Et j'avais une autre question, c'était. Parler de Cole Bennett. je regardais en fait et je me suis rendu compte que vous avez jamais fait de truc avec parce que je vois ils font ça aussi avec les réalisateurs, ils se mettent genre à deux, ils font des collabs tout ça comme pour les beatmakers ou comme un on en a déjà fait. On en a déjà fait avec avec Kite Production, bah par exemple pour le Mouska. OK. Kite Production c'est une boîte de prod, bah ils font des gros clips, ils ont fait Leto Rimka. Leto Rimka, ils ont fait Carice Alka. Carice Alka aussi. Pot. Okay. On est en contact Didi avec Trix, le dernier Didi Trix tient de la casse. Trix aussi. On est en contact avec eux, ouais. On okay. en fera ouais. sûrement ensemble. Et quel est l'intérêt pour vous de faire les collabs comme ça? Avec eux, bah en vrai, c'est qu'ils ont c'est des vrais budgets en fait. Du coup, ça permet de faire des meilleurs clips en fait. Ok. De, ouais. Est-ce que les gars de Besançon ils sont prêts à faire des trucs avec des vrais budgets? Il y en a très peu qui sont prêts en fait. C'est pour ça qu'on est obligé d'aller à Paris souvent. On est sûr. Ok, ouais, donc parce que le move à Besançon il est pas encore. Et même s'il y en a qui voudraient, bah, tout le monde n'a pas forcément l'argent. Même si je pense sur Besançon, tu vois, c'est une bonne ville. S'il y a des bons budgets, on pourrait faire des beaux trucs aussi. Tu vois, pas besoin d'être sur Paris pour faire un beau truc. Mais c'est sûr que le rap, je pense, il est pas encore assez payant sur Besançon pour pouvoir avoir des gros budgets sur Besançon. Vous prenez les tickets resto ou pas? Non. Non, désolé. Désolé. Désolé. Tant pis, t'es au 2S. Hein. Autrement. Hein. Ah bah tiens, t'avais pas une question sur ça, toi? Sur les clips, tout ça, là? Non? Tu la poses ou... Non? Ok. Tu peux me la dire dans l'oreille si t'as peur. Non, mais moi, je sais c'est quoi la question. Bah, c'est quoi la question? Vas-y. C'était en fait, il se demandait si crème. Par exemple, tu vois, il a sorti un projet, tu vois, et là, il vous démarche et vous dit, vas-y, j'ai sorti un projet. Est-ce que vous êtes chaud, vous me faites un petit clip comme ça, tu vois, en tac-tac. Ça dure en tac-tac. Gratos, quoi, tu vois. Ah, les mecs. Ah, gratos, en vrai, non, pas trop, on peut pas, tu vois. On fait pas trop gratuit. On okay. en a fait un peu au début pour se lancer, tu vois. Bah, okay. Moi, perso, ouais. les premiers que je faisais, non, c'était gratuit. En fait, je dis lui, mais ça peut être n'importe qui. Mais non, oh, okay. on peut pas faire gratuit. Après, tu vois, okay. chaque artiste qui vient vers nous, on étudie, tu vois, on regarde ce qu'il peut nous apporter, tu vois, on va pas se cacher, ce qu'il peut nous apporter, et après on en discute, mais c'est sûr que le côté gratuit, encore, maintenant, on fait plus du tout, même. Ok. Toujours pas de ticket resto? Non, toujours pas, désolé. Pas changé, peut-être vers d'ici 30 minutes, je sais pas. Et du coup... à l'heure, vous parliez de bien s'entendre avec les mecs que vous filmez, tout ça. Et j'ai cru comprendre qu'il y avait déjà eu aussi des mauvaises expériences. C'est quoi votre pas des mauvaises expériences, mais des galères. Toute expérience, c'est genre est bonne à prendre. Ouais, tout est bon. En vrai, tous les clips qu'on a fait, il y a eu des galères, tu vois, des galères. De toute façon, toutes les personnes qui travaillent dans la musique, puis même dans le monde des clips et tout, ils ont tous eu des galères. Quand on parlait avec Kite Production et tout, qui est une grosse boîte de prod quand même, même eux avec des gros budgets, ils ont des galères. Justement, à un autre niveau. Plus t'as de budget, plus tu vas avoir des galères en vrai. Parce que. Il y a trop de trucs à gérer. Il y a énormément de trucs à gérer. Puis... Tous les figurants, la voiture qui arrive à machin. Le truc, c'est que plus t'as de budget en général. 2-3 gorilles. C'est ça. Plus t'as de budget, plus t'as de choses qui sont mises en place. Donc plus t'as des chances d'avoir des galères, que ce soit avec les figurants ou que ce soit même avec des artistes. Parce que des fois, les artistes qui sont très connus, ils sont un peu durs à gérer, tu vois. Ça peut arriver. Et ça nous est pas arrivé en soi pour l'instant. Mais. Après, on a eu beaucoup de galères. Hein. On a eu beaucoup de galères. Genre là, la pire expérience, comme ça, là, qui vous vient en tête. La pire expérience, comme ça. La pire galère que vous ayez eue sur un tournage, ou tu vois. Le tournage reporté, là. Non ouais, on a eu un tournage. Comment ça se déplaçait? C'était puis, sur Paris, ouais. Sur le chemin, dans le train, le gars il nous dit oh, c'est mort pour aujourd'hui, vous voulez pas revenir demain. Ah, c'est défrayé, non? De toute façon, il paye le. Bah, là, c'était le RER, donc il n'y avait pas de frais. Mais. Ah, tu vois, puis, on est revenu le lendemain, on l'a fait, puis. Ça a duré, on a failli rater le train pour rentrer. Quoi. Même pas en fait. Genre en fait, l'histoire c'est qu'on une amende. Il paye l'hôtel. On est arrivé Une amende aussi. On est arrivé c'était le lundi, je crois. C'était un lundi, on est arrivé le lundi. On part. Donc tu vois, on est chargé, on a tout notre matos, on a les lumières, on a les trucs. Ça fait pas mal de matos. Après, on est trois, donc c'est déjà un peu plus pratique. Ouais. Dites pas trop quand vous partez quand même. Hein, et du coup, on arrive et puis on reçoit au milieu du trajet un appel. Ouais, c'est pas possible de le faire parce que là il y a personne qui vient sur mon clip. Ouais. On nous dit il y a personne qui est là. Puis c'était un son qui on pouvait pas vraiment le faire tout juste l'artiste en soi. Et du coup on est rentré. En rentrant, on reçoit un appel du même artiste qui nous dit ouais, en fait c'est bon, il y a les gens, du coup vous pouvez revenir. Bah, nous, on était déjà à une heure de route, donc on ne pouvait pas revenir. Du coup, on a organisé ça le lendemain. Le lendemain, on arrive. C'était aussi une galère parce que... Il n'y avait personne à nouveau ? Comment ? Parce qu'il n'y avait personne à nouveau ? Non, parce qu'on est retourné, l'artiste nous a reçus. Ça a mis du temps à se mettre en place, un temps fou. Ça a mis beaucoup de temps à se mettre en place. Et ensuite, c'était un deuxième lieu. Il y avait deux lieux. Ouais, il y avait deux lieux. On s'est retrouvés à... Mais c'était deux lieux qui étaient très éloignés, tu vois. Ok. Et donc, sur le trajet du deuxième lieu, il y a eu les contrôleurs, il y a eu des amendes sur tous les artistes. C'était très, très dur à gérer. Les artistes eux-mêmes étaient énervés. Nous aussi, on était un peu énervés parce que t'as envie que le travail avance. Ouais. Puis t'as envie de faire quelque chose de bien. Puis si les artistes, en même temps, ils sont pas dans un bon mood, c'est compliqué de rendre un travail propre. Et il y avait le train aussi le soir après. Puis nous, ouais, en plus, le soir le même, ouais, temps, ouais, on ouais, était... On a eu le train à 5 minutes, donc ça va. Mais... Pourquoi vous ne dealez pas une chambre d'hôtel ? Bah, en fait, pour l'instant, ce qui est compliqué, c'est... Tu vois, quand un artiste vient vers nous, on parle de budget, on va parler de prix avec lui, on va établir un prix. Mais pour l'instant, il n'y a pas des artistes qui mettent énormément, tu vois, ce truc. Et... c'est compliqué quand même de c'est pas des artistes sur lesquels pour l'instant on peut rajouter encore des frais, tu comprends. On essaie de limiter au... Parce qu'en fait, un artiste est prêt à payer une certaine somme pour le travail qu'on lui rend, mais c'est beaucoup plus compliqué de lui faire comprendre qu'il... Ce qui est annexe. Ouais, ce qui est annexe, tu vois. Même donc, si ça coup, existe... T'estimes que c'est à toi de perdre de l'argent pour l'annexe, alors que sans lui, on perd pas d'argent. On perd pas d'argent en soi, mais on limite au maximum les dépenses de l'artiste en soi. Parce qu'un artiste... Notre objectif aussi, c'est de faire des clips, tu comprends. Et si on arrive vers un artiste et puis qu'on lui dit, écoute, ouais, t'as ton clip, t'as ton budget pour le clip, et à côté de ça, tu doubles ton budget parce que nous, on va prendre une chambre d'hôtel, nous, on va prendre ça, ça, ça. À notre niveau, pour l'instant, c'est assez compliqué, tu comprends. Et donc, on essaie de limiter ça au maximum. Après, les frais, nous, on n'engage pas de frais, ce qui est normal, ce qui est logique, vu que nous, on vient juste faire notre travail. Donc, les frais nécessaires... Ils les prennent, donc les frais de déplacement et tout. Après, si nous on peut s'arranger pour lui limiter les frais, c'est-à-dire si on peut reprendre le soir un train, un truc comme ça, on le prend, tu vois. On va pas commencer à chipoter pour reprendre une nuit d'hôtel, essayer de gratter des trucs. Surtout que pour ça, c'était à Paris, en fait, c'est juste qu'on avait une soirée le soir même. Et si jamais à Paris, on a un appart, donc on peut dormir là-bas. Ouais, donc à Paris, en soi, quand on est sur Paris, on n'engage pas de frais, tu vois. Du coup, on a un appartement et qu'on a un pied à terre. Après, si on va sur d'autres clips, là on a un clip sur Angers par exemple qui va se faire dans la semaine, après-demain. Là par exemple, il y a une chambre d'hôtel qui est louée, ce qui est normal parce que c'est sur deux jours. Là c'est auprès de l'artiste. Okay. Et juste là localement, là, c'est qui les mauvais payeurs ? Les mauvais payeurs ici ? Bah c'est simple, il n'y en a pas beaucoup gros, hein. Ils ont fait quoi ? Ils ont fait 4 mecs différents. Non, ouais, là c'est plouf là. Hein. Ouais, ça va, toi. Non, en vrai, pour l'instant, on a... Il n'y en a pas en vrai. On n'a pas... Après, tu vois, mauvais payeur, c'est compliqué parce que nous, on part du principe, on n'en voit rien tant qu'on n'est pas réglé, tu comprends. Aussi, c'est sur Paris, par exemple, les gens vont nous régler directement. Il y a le tournage, à la fin du tournage, les gens nous payent. Pour l'instant, on n'a pas eu de galère là-dessus. Et sinon, si c'est un artiste de Besançon qu'on en a eu, qui ont voulu nous payer en deux fois ou quelque chose comme ça, là, ce qu'on fait, c'est qu'on lui montre un extrait ou on lui filme au téléphone. Et après, on attend que l'acompte soit réglé, que la totalité de la somme soit faite pour après envoyer notre travail. Okay. 4 fois sans frais, non ? Non, il n'y a pas 4 fois sans frais. Après, on essaie toujours... On travaille avec les artistes. 20%, ouais. On travaille aussi avec des artistes jeunes. On comprend que. On comprend c'est que compliqué c'est parfois. Compliqué pour certains, ce qui est normal. Hein, nous aussi. Ouais. Mais après, voilà, on fournit quand même un travail. Donc c'est normal d'être. Voilà. Yes. Voilà. Non, parce que moi, je sais que. Par expérience, je sais que des fois, sortir des 500, 600, 700 euros pour des clips, même pour quelqu'un qui travaille, tu vois, et qui considère ça comme. Une passion plus qu'autre chose, des fois, tu vois... Ça peut être compliqué, forcément. Après, il faut savoir ce que tu veux, tu vois ce que je veux c'est dire. Ça tu aussi. Veux faire un clip, machin, bien, après, bonne après condition, tu vois ou... Le truc, c'est que là, maintenant, nous, la dimension qu'on essaie d'apporter, c'est que c'est plus des clips où c'est ton meilleur ami qui prend une caméra et qui filme, sûr. Tu comprends. Ouais, on essaie d'apporter un côté professionnel en soi. Ouais. Donc, dès que tu apportes un peu ce côté professionnel, de suite, il y a beaucoup de travail. Déjà, il y a le tournage, le fait que trois personnes se déplacent, et ensuite... il y a le travail que qu'on voit moins, c'est le travail qu'il y a derrière l'ordinateur, que les deux y font, avec le montage, les effets, ça prend beaucoup de temps aussi. Et... Mais voilà. Je rebondis sur ce que tu dis. Il n'y a plus beaucoup d'artistes qui sont en mode tiens, c'est ton pote qui filme, c'est fini ça. En vrai, non, il y en a encore beaucoup. Non, ça existe encore pas mal. Ouais, franchement, ça existe encore pas mal. Après, souvent, les artistes, je fais une généralité, hein, mais souvent, les artistes, il y a quand même un projet qui leur tient à cœur, un son qui leur tient à cœur. Et là, ils vont quand même faire venir des clippers, une équipe de pros. Mais ça arrive encore souvent qu'ils mettent 2-3 freestyles ou 2-3 sons avec leurs copains qui filment. Oui, ouais, mais sur les clips. Sur les gros clips, maintenant, non, c'est sûr que. Ou si c'est pas leur meilleur ami, ils prendront un mec pas cher. Mais qui fait qui va pas forcément faire les choses super bien, mais qui sera moins cher, genre. Ouais, il y a beaucoup de concurrence dans ce milieu-là aussi. Donc, vous faites les choses super bien. Nous, on fait les choses super bien. On essaie, en tout cas, ouais. En vrai, on essaie. D'accord. Nous, on fait de notre mieux. Juste de revenir sur un truc, sur une question que j'ai posée tout à l'heure. Ça fait 3 mois. Oui. Ouais. D'accord. J'ai demandé si vous en viviez, vous m'avez dit oui. Ouais. Depuis quand vous en vivez? Depuis moi en vrai j'en vivais déjà avant parce que ça fait quand même un peu plus longtemps que je fais des clips. Après quand on s'est mis il y a un mois en gros on n'a pas vraiment eu de salaire. Dans un mois, et le mois dernier là ben c'est bon et le mois qui arrive aussi là ça va être bon. Après c'est beaucoup de travail hein. Là cette semaine par exemple on a fait 5 clips. Non 4 pardon. 5. On a fait 5. Ouais pardon. Ouais, on a fait 5 clips Là, on fait beaucoup d'allers-retours, beaucoup de voyages, beaucoup de travail parce que des fois on monte dans le train, des fois on fait. Bon, on monte pas tout dans le train, mais ça nous arrive des fois de travailler. On n'a pas vraiment d'heure en soi, tu vois. On fait pas un travail de 8h à 18h. Ouais, à 18h, je ferme l'ordinateur et à demain. Non, c'est un travail. Des fois on reçoit des appels à minuit, des fois on a des choses. Mais après, c'est ce qu'on aime. Hein. Nous, on est ça là pour ça. C'est KXR, ça, encore. On s'en plaint pas. Non, ça va, lui. Mais nous, on s'en plaint pas. C'est ce qu'on aime faire. Et puis, et on le fait. Et on essaie de le faire bien, en tout cas. Tu vois, on essaie de le faire proprement. Mais en fait, est-ce que la Purple Vision, c'est pas juste le fait de dire à KX... En fait, non, KX, ça serait bien que tu mettes un peignoir. Parce que de ce que j'ai compris... Ah, le peignoir, c'était une dinguerie. Moi, j'ai kiffé. Au final, ça rendait bien, non? Au final, ça rendait bien. Moi, j'aimais bien. Oui, c'est pour ça que je te dis. Est-ce que, en fait, le plus de Purple Vision, en fait, c'est le peignoir gang, tu vois? C'est ça, hein. Le peignoir gang. Ouais, okay, je trouvais ça passait. Après. Ouais, c'est ça. En fait, à la base, KXR, on va raconter, mais KXR, en gros, à la base, il était venu. Il voulait pas vraiment mettre le peignoir, pas vraiment porter les trucs-là. On en a discuté avec. On a dit, écoute, nous, on trouve ça cool. C'est notre vision, on voulait voir ça, on l'a fait à la caméra. T'es chez toi, quoi, t'es chez toi, t'as un peignoir. T'as un peignoir. Nous, on trouvait ça amenait quelque chose, c'est notre avis. On lui a dit, on a essayé. KXR, il a validé, il a trouvé ça propre, du coup, on a validé aussi, tu vois, parce que nous, on trouvait ça bien. Après... Purple Vision. Peignoir Vision. Peignoir Ruinard, t'entends? Dans votre logo, vous faites apparaître Purple Vision, puis genre un peignoir qui s'accroche. Faudrait, hein. Pourquoi pas, tu vois. Je donne des idées. Quoi. Ah, merci, c'est gentil. on va bientôt être 4, du coup. Question annexe. Pourquoi la vidéo plutôt qu'autre chose? Les cours, ça vous saoulait? Je sais pas. Il n'y en a pas un qui a des talents de, je sais pas moi. De peintre. Ouais, de peintre, de mathématicien. De musicien. Non, tu parles bien, tu vois. Tu parles bien. C'est gentil, merci. Voilà, c'est tout. Sous vous les deux, rien n'est. Cal, tu m'attaques? Non. Pourquoi la vidéo plutôt qu'autre chose? La vidéo, vas-y. Il y a l'oseille, ouais. En vrai, il y a l'oseille partout. Il y a l'oseille. En vrai, la vidéo, enfin... C'est parce que déjà, vas-y Vic, explique, ça fait longtemps que vous y êtes, vous deux. Ouais, nous à la base, on faisait genre des vidéos de skate, de bail comme ça. Ok. Et je sais pas, on a toujours été attirés par l'audiovisuel. Et on a toujours été attirés par l'audiovisuel, du coup, ça a été logique de se tourner vers la vidéo. Ok. Quand on a eu des potes qui commençaient à rapper, on leur a filmé les freestyles et on a essayé de monter en niveau au fur et à mesure. Et voilà quoi. Ok. Théo2S. Tu m'as envoyé 2-3 questions tout à l'heure. Non, mais sérieux, il m'a envoyé des questions que j'avais pas, moi. Est-ce que tu peux me les souffler, s'il te plaît? Ou tu les souffles à Jones qui les dit dans le micro? Non, cool, vas-y, moi, j'ai pas de ghostwriter. Essaye de me les tiens, donner tiens, aujourd'hui, prends le micro, si tu prends peux. On m'entend là ? Ouais. Bon. Bon alors, les questions. C'est quoi votre délai pour faire un clip en général ? Vous mettez combien de temps pour faire un clip ? En vrai, on fait assez rapidement. Je pense, le tournage souvent il se fait en une journée. C'est rare qu'il y ait des tournages qui s'éternisent sur plusieurs jours. Et après au niveau du montage, on essaie de faire ça rapide. Normalement en une semaine c'est bon quoi. On essaye de. Après on, max, souvent on dit pas de date qu'on peut pas respecter, on dit pas on te le fait en 2-3 jours et puis on. Si on dit une semaine, c'est qu'on le fera en moins de temps et puis alors, une semaine max. Sera par bon, exemple quoi. Le. C'était quand c'était lundi. Lundi, on a fait un clip. On leur a dit, ouais, on va vous le faire en une semaine. Mais voilà, cette semaine-là était très chargée, par exemple. Du coup, on a. Le soir même, il était déjà fini. Le soir même, il était fini. On s'est mis dessus. On a travaillé toute la nuit. Le soir même, il était fini. On leur a envoyé. Ils nous ont envoyé leurs modifications. Deux jours après, il était bon. Et puis. Ok. Après, nous aussi, on a. Maintenant, on a un emploi du temps parce que. Les clips, ils commencent à arriver de petit à petit, ils arrivent comme ça, et du coup, on essaie de jongler entre notre emploi du temps et en même temps rendre des clips propres et assez rapidement. Après, on va pas rendre un clip en une journée et le bâcler, mais après, jamais on gardera un clip pendant deux semaines sans l'avoir commencé, en faisant patienter l'artiste. Parce que nous, on comprend, l'artiste, il vient vers nous, il a envie d'une réalisation propre, mais en même temps, il a envie de sortir sa réalisation assez rapidement en soi. Et c'est sûr que quand t'as un projet, puis que ton projet, t'attends 3 mois avant de le sortir parce que derrière, le montage, l'autre, il est pas sérieux, il met du temps. Nous, on évite de faire ça quand même. Ok. Donc, pour ajouter encore un élément, ils sont sérieux et rapides. Merci. Voilà. À noter. Ouais, bah du coup, j'ai encore une seule question, parce que les autres ont déjà répondu avant. Est-ce qu'il y a un clip qui vous rend le plus fier qu'un autre en fait? Est-ce que vous avez un clip préféré que vous avez fait? Il y en a plusieurs. Juste un. Ouais. Non, je pense. Juste un. Ben, il est pas encore sorti. Mais vous verrez. Vous verrez. Mais. C'est le clip de qui? Peut-être qu'il a pas le droit de dire. Non, mais je sais pas. C'est un clip qui sort demain. En vrai, ouais, il y a un clip qui sort demain qu'on a vraiment kiffé tourner. Et le résultat, on en est fiers. Il y a eu un teaser du clip ou pas? Il y a le teaser, sort. Il sort demain. C'est un teaser disponible. C'est pas. On n'a pas voulu teaser avant, mais il y aura aussi un making of du coup. Il y aura un making of dessus. On et va voir l'artiste. Demain, on a le clip. Je pense qu'on peut le dire. Demain, 18h, il y a le clip. L'artiste, c'est. C'est Merco. C'est Merco Benzo. C'est un mec validé par Booba. C'est un artiste. C'est un artiste, mais en fait, ce qui était intéressant, c'est que. Le lieu avec le. Il y avait un studio qui avait été loué, il y avait une voiture. Voiture de police. Ah, oui, j'avais des moyens, il y avait un chien, il y avait moi en figurant. Encore ? Ouais, mais il est partout, figurant, moi je suis partout. Faut bien trouver un rôle. Hein. Ah bah, je vais me mettre au théâtre, au cinéma. Non, mais. Mais en fait, moi ce que je trouve intéressant, c'est que. À travers les clips, maintenant c'est celui-là parce que. C'est le dernier qu'on a fait. C'est un des derniers qu'on a fait. Puis en fait, ça montre qu'on évolue à chaque fois. Mais il y a plein de clips qui nous rendent fiers. KXR, surtout Palace, ceux de KXR, chiche. Ceux de KXR, on essaie vraiment de. Non, mais c'est vrai. Attends, c'est quoi? C'est chiche. C'est chiche, franchement. Moi, je trouve qu'ils sont dingues. Et celui-là, il nous a amené beaucoup de. Enfin, il nous a amené énorme. Mais les gens nous disaient, ouais, il est beau. Franchement, il est beau. Et le clip, je le trouve magnifique. Et le. Le truc, voilà, c'est que on essaie d'être en constante évolution. C'est pour ça que chaque semaine, peut-être que le clip dont on sera plus fier, bah, ce sera pas le même. Et c'est ça qui est cool. Parce que si notre clip qui était le plus fier, c'était un clip d'il y a 2 mois, bah, ça veut dire que ça fait 2 mois qu'on fait plus rien. Ouais, je vois. Donc, ça le but. Ça va ? Ça va et toi, vous ? Ouais, ça va. Sur les quand vous faites un clip, vous faites jamais le montage à deux, c'est un qui fait. Si, ça arrive. D'accord. Parce que là, je viens de repenser à un truc. C'est vrai qu'en voyant des clips différents, on dirait pas la même personne qui a filmé ou la même personne qui a monté. Par exemple, sur le clip de EDRF. EDRF. Egor. Celui-là, il ressemble pas du tout. Enfin, il n'y a pas la même façon de faire que celui de KX. celui de DRF avec j'ai oublié le titre où il est vers le sur les champs. Ouais. Il est encore différent. Enfin, pas, il est bien sûr qu'ils sont différents tous, mais dans l'approche du clip, dans le montage, etc. Même dans le grain de l'image, je sais pas. C'est pas la même chose. Ouais, bah pour le grain, c'est comment ? Pas la même caméra peut-être ? C'est la même caméra, si. C'est pareil. C'est les réglages qui sont différents. C'est juste une évolution. En et ouais, c'est comment dire ? D'accord. Ouais, c'est moi qui les ai fait les deux. Mais ouais, déjà en gros le Gore et EDRF, on n'avait pas encore Purple Vision en gros. Okay. Du coup, c'était que moi de mon côté qui faisait les clips. Après, c'est normal que je concentre quand même. Ouais, c'est possible. Mais comment ? C'est vrai qu'on les fait quasiment tout le temps les deux. Comment tu fais les... Enfin, je connais un peu les bases de la vidéo. Vous avez les rushs, vous faites le dérush. Ouais. À deux. Pas forcément. D'accord. Après le dérush, vous faites quoi ? Vous faites le. Par exemple, souvent, ce qu'on fait, c'est que Louis va faire tout l'assemblage et moi, je vais faire le côté effet, ou alors on l'inverse. Ok. Mais l'avantage, en fait, tu me demandais pour Purple Vision, l'avantage c'est que déjà dans le cadrage, l'avantage qu'il y a, c'est que les deux, sur un lieu de tournage, déjà les deux, il n'y a pas une seule personne qui cadre. Tu vois, c'est pas un seul cadreur. Donc en fait, là, on a souvent tendance à doubler les rushs, ou des fois pas forcément, mais en général, on a tendance à doubler les rushs, et en fait, ça nous fait que on a par exemple. Un rush pris par Louis, un rush pris par Vic, et en fait c'est différent, parce que ce qui est normal, c'est deux personnes différentes qui prennent, et donc en fait ça nous permet en même temps de pouvoir jouer avec ça, et puis d'avoir toujours ce côté un peu plus pro, parce que on n'a pas seulement une prise, et on n'a pas seulement une prise. Personne qui prend, tu comprends ? On prend jamais deux caméras en même temps, parce que moi, je suis pas fan, mais... Parce que les images vont être différentes vu qu'on n'a pas deux caméras identiques. Voilà, c'est et ça en plus. Ouais, si t'as pas la caméra et l'objectif qui sont identiques, à moins d'être vraiment très chaud en étalo... Tu peux le masquer. Ouais, tu peux le masquer grâce à l'étalo, mais il faut passer plus de temps et c'est plus simple de pas le faire en fait. Mais c'est intéressant parce que sur un même clip, en fait, il y a vraiment la patte de Victorien et Louis et dans le tournage. Donc dans le tournage, les deux ils cadrent. Donc il y a des rushs où on a pris les rushs de Louis, il y a d'autres où on a pris des rushs de Victorien. Et puis après, dans les effets, dans le montage. Comment ? Ça crée le mélange. Ça crée un mélange, ouais, c'est ça, c'est le but en fait. C'est vraiment la vision des trois en fait. Bah là c'est ça en fait. Au final, on va réussir. On est en train de creuser, tu vois. Voilà, non, on creuse, mais c'est ça, intéressant. C'est juste ça le but. Hein. Chao, qu'est-ce que tu fais tu... Non, j'étais en train de mettre une story sur Insta pendant que vous étiez en train de... Toi, c'est la Yellow Vision, toi. Yeah. Allez, salut, maman. Bah, écoute, moi, je n'avais plus d'autres questions à vous poser. Jounès, est-ce que tu avais quelque chose à ajouter à tout ça ? Enfin, on peut discuter. C'est des jeunes hommes très intéressants. Déjà, moi, je voulais faire un petit récap de tous les réseaux pour ceux qui sont en train de nous écouter un peu partout. abonnez-vous sur YouTube, Purple Vision Studio. J'essaie de rester concentré, mais c'est dur. Sur Instagram, c'est Purple Vision Studio. Ouais. Voilà. Ça, c'est un abonné à chaque fois, ça fait ça. Ah, faudrait le mettre. Et puis, il y a la chaîne aussi Purple Vision Daily pour tout ce qui est making of, coulisses. Ouais. On va beaucoup développer dans les mois qui arrivent. Développement, ouais. Là, c'est génial. C'est Purple Vision Daily, ouais, c'est en développement. Là, c'est ce qu'on va développer au maximum. Et puis, j'en profite, vu qu'il y a KX autour de la table. KX, c'est quoi ton... Le YouTube, le Snap, le tout ça ? C'est KXR. Mon Snap, c'est l'initié. C'est un abonné en plus, bing bing. Insta, c'est KXR, c'est tiré du bas KXR. C'est tiré du bas KXR sur Instagram. Bon, bah si vous avez des ajouts, espérons qu'il y ait des ajouts, parce que sinon on va dire on est venu pour rien, tout ça. Tu non, vois. C'est même pas le but. Bah non, au moins ils se rendent compte qu'il faut qu'ils taffent leur, tu vois, leur image, enfin pas leur image, non, parce que votre image vous l'avez, mais votre l'histoire autour du truc. Bah ouais, nous on travaille une image, mais après, moi, nous on aime bien, c'est un peu les défis, tu vois, nous on n'a jamais fait de radio, de trucs bien comme sûr. Ça. Yes. Et déjà avec les tournages, là ça fait pas longtemps, en soi ça fait que 3 mois. Et on se met constamment en défi un peu, parce qu'on arrive sur des tournages, il y a plus ou moins de galères, il y a plus ou moins de trucs. Et là, la radio, c'était un moyen de se challenger un peu, de voir. Ouais, voilà. Premier réalisateur dans l'émission, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ah non, c'est pas les réseaux. Ah. Ouais, ouais. Je leur parlais un peu de l'année dernière et je dis voilà, cette année, vous êtes les premiers réalisateurs. Donc nous, on est content de, comme je vous ai dit, de vous recevoir. Et puis de voir que surtout, il y a des jeunes bisontins qui se mettent ensemble pour faire des trucs bien, tu vois. Et on espère que ça contamine, entre guillemets, d'autres jeunes de votre génération, ouais, et ceux d'après, cool, tu vois, qu'on puisse... Parce que, faut le dire, tu vois, Besançon, il y a quand même énormément de potentiel, que ce soit vidéo, rap, tout ce que vous voulez. Mais voilà, les gens ne font pas les choses carrées, donc ça fait plaisir d'accueillir des jeunes qui se lancent et qui se lancent les deux pieds dedans, tu vois. Ouais. Donc voilà. Vous prenez en stage ou pas? On a déjà eu des demandes de stage et d'emploi, ça le pire. Ouais, nous ça nous flatte, parce genre c'est un peu... Non, je te jure, franchement, ça fait bizarre. Un petit stagiaire et tout. Nous, on a été... On va chercher de l'eau. Nous, on était un peu flattés, mais ouais, on a déjà eu des demandes, on était choqués. Et après, pour l'instant, c'est pas du tout, c'est pas du tout à l'heure, parce que déjà, on n'a pas de travail à offrir en soi pour l'instant, parce que on est quand même trois, donc on est quand même on arrive capable à faire de... les trois tout ouais pour l'instant on est capable de d'avaler beaucoup de travail en soi. Mais avale bien ce que tu veux, mon grand. Faut se calmer. Faut se calmer. Maman est à la radio, maman. Regarde pas. Mais voilà. Du coup, est-ce que la vidéo ça vous aide avec les meufs? Ouais, question annexe. Ouais, on est là. La vidéo. Ouais, je sais pas. En vrai, non, mais des fois, quand t'es avec des rappeurs un peu connus, vite fait, quoi. Mais ouais, laisse-le finir. KX, il a dit si, si. KX, il dit non, non, non, mais. Non, est-ce que la vidéo, ça vous aide à pécho, quoi, faut se le dire. Ben, non, je pense pas qu'on ait besoin de ça, en fait. Non, c'est vrai. Non, mais en vrai, on joue pas là-dessus. Allez, moi, c'est vrai. On cherche pas. Non, mais sans jouer là-dessus. Sans jouer là-dessus. Je t'avoue que nous, franchement, Nous, on est à fond vidéo, fond clip, on regarde pas trop. Mais je t'aimais, vous allez passer pour des deps là. Non, on est juste à fond, c'est tout. Et boss quoi. Après c'est normal. Après, je pense que c'est normal de voir des gens passionnés, des gens qui travaillent, des gens. Ça peut peut-être plaire, je sais pas, mais. En tout cas, nous, on cherche pas. Je pense que s'il y a un truc qui plaît aux filles, ça va pas être le fait qu'on fasse des vidéos, parce qu'en soi, elles s'en battent les couilles. Mm-hmm. Ça va plus être notre style de vie qu'on a en ce moment. En vrai, on voyage pas mal. Les filles qui s'en battent les couilles, c'est des ladyboys. Ouais, c'est des ladyboys. Non, mais ouais. Ben, non, mais en vrai, nous, plus le style de vie. Ouais, de travailler notre plaire aux filles. Notre style de vie, essayer de... En fait, on veut avoir une vie qui nous convient, qui nous plaît. Tu sais, c'est compliqué, on prend pas les chemins classiques en soi, parce qu'on a quitté l'école, ça peut... Voilà. Voilà, exactement, c'est ça. Mais ouais, on a quitté l'école, puis on essaie de se construire un truc solide. On veut vraiment pas. Nous, le truc, c'est qu'on veut vraiment un côté pro. On travaille à fond là-dessus. On essaie d'avoir une image. Non, mais ouais, voilà. Ouais, merci. Parce que là, en fait, c'est bien. Parce que tu parles super bien. Mais j'aime pas poser une question puis voir quelqu'un qui me balade. Là, tu me balades. Ouais, mais normal, je te dis quoi. Oui, je peux te dire. En fait, est-ce qu'avec les filles. Bah, bien sûr, après, c'est. Voilà, okay. C'est... Voilà, c'était ça. Non, là, c'est un ouf, lui. Mais normal, mais genre, non, c'est pas ce qu'on cherche. Autre question, après. Je te demande pas si c'est ce que tu cherches. La question, c'est. Je t'ai pas demandé. Est-ce que ça facilite les choses? Non, c'est ça. Moi, je t'ai dit, est-ce que le fait de faire de la vidéo, ça te facilite les choses avec les meufs? Oui. Pas le fait de faire de la vidéo, mais le style de vie qu'on a grâce à ça. Je pense pas que c'est le fait de faire de la vidéo, mais je pense que le style qu'on met en place peut plaire. Pour toi, oui, t'as déjà eu des contacts grâce à ça? Ouais, bien sûr. Lui. Grâce aux meufs des clips? Non, je... Lui, il dit rien lui. Tout à l'heure. Ouais, lui. Ah, lui, il est. Lui, c'est le gars de l'ombre, lui. Ouais. Bon, du coup. C'est le gars des DM, lui. Est-ce que le fait de. Bah, je suis Purple Vision. Ouais. Salut, je suis lui de Purple Vision. Ouais. En vrai, la vidéo, non, mais je pense que nous. Peut-être, en mode... C'est un fou ce qu'il fait, lui. Non, mais dans le sens... Des beaux gosses, peut-être. Ouais, non, c'est pas dans le sens physique, c'est dans le sens... C'est en fait, on vit totalement décalé en soi. On fait ce qu'on aime, puis on se donne à fond, tu vois. Puis moi aussi, je fais ce que j'aime. Ouais, mais ce qui peut plaire, c'est le fait qu'on vive totalement décalé, tu vois. On n'a pas vraiment d'horaire, on a une vie qu'on choisit. Ok. Pour l'instant, on a une vie qu'on choisit et on veut une vie comme ça, tu comprends. D'accord. Et donc ça peut plaire. Ok. Je veux la réponse de lui maintenant. Est-ce que le fait lui, de faire de la ou ton lifestyle comme tu veux, ça t'apporte de la meuf, ça t'a apporté de la meuf ou c'est en cours? En vrai. Des snaps rouges à partir de minuit. Hein. Mais rouge ou violet. Parfait. C'est mieux violet. Moi, je préfère violer. Des snaps violets, mais passé. Bon, lui, tu nous réponds, s'il te plaît. Ouais, un peu. Un peu. Okay. Ah là. Vic. Vico. Moi, je suis pas trop, là-dedans. Je peux pas te mentir. Moi, je pense au boulot avant tout. C'est le travail. Le travail. Non, parce que là, vous avez pas de meuf, les trois. Si, si. Qui? Ah, c'est... pas moi. Ah. Si, y en a. C'est lui, ça. Ah. Ajoutez en DM, les filles. Ah, c'est lui, ça. Ajouter Victorien en février. Non, Louis vient d'Ombre, il a une copine, mais nous après on. Et passe plus le micro. Vas-y Louis. Et du coup, parce que tu t'as dit clairement que c'est beaucoup le travail, bla bla bla bla bla bla. Ça va avec ta copine? Ouais, tranquille. Elle habite où? Ah, calme-toi quand même. Bah, c'est chelou, gros, je dirais ta meuf. Non, non, non, je sais pas. Je sais pas. Ok, tu sais pas. Ouais. Est-ce qu'elle valide ton ton train de vie? Ouais, justement. Ouais. Okay. Bah tous les gens autour de nous de base valident. Ils voient que on se donne, que ça marche pour nous. Du coup. non, du coup quand vous êtes en mode du coup on parle beaucoup de lifestyle, t'inquiète, on va pas te griller lui. Les meufs partez s'il vous plaît, sortez. Voilà. Ouais. Non, reste toi avec ta petite robe rouge. Salut Louis, salut, on savait. Ah, non, c'est quoi? Du coup, bon, la copine de lui, si jamais t'écoutes, t'inquiète pas, il y a R, on est contre le couille ici. Malheureusement. Voilà, vu que vous me parlez de lifestyle, votre lifestyle il plaît aux gens, vous vous retrouvez dans une soirée parisienne, machin, les deux ils sont libres, toi t'es épique, y'a. Bah, mais. Moi j'ai jamais eu ça. Pour l'instant, on n'est pas à ce niveau-là. Hein. On est. Sans être à ce niveau-là. On l'est pas encore. À une époque très jeune, je faisais un peu de rap avec monsieur qui est là, ouais. Tu vois. À notre petit niveau, je vais te dire que ça faisait des passes des, enfin, bref, etc. Ça pouvait débloquer quelques situations. Voilà. Donc, moi, ma question, c'est est-ce qu'en mode, toi, t'es en couple, puis là, il y a les deux là, t'es pas vénère, hein, tu sais, parce que ta meuf est pas forcément là. Ouais. Comment ça? Ah, ok. Comment ça? Non, tranquille. Hein. Il veut te griller. Non, même pas. Non, tranquille. Tu pourrais. Si tu veux, j'ai des SMS types, si tu veux, envoyer après. Non, en vrai, je suis d'accord avec toi. Peut-être qu'à une plus grosse échelle, sûrement. Mais là, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Ouais. Okay. Pour te mentir, là, pour l'instant, c'est 150% du travail. On fait que travailler. Ouais, voilà, c'est ça. On est à fond là-dedans. Et puis, après, c'est sûr, on se change la tête. Mais de moins en moins, on va sortir dans des trucs, dans des... On travaille, quoi. D'accord. Et toi, quand est-ce que tu te spécialises? Parce qu'un, c'est pas dire. Là, ils ont les deux manuels. Ouais. Qu'est-ce que tu penses, toi, un jour, à dire, vas-y, il faut que j'essaie de faire un truc, des claquettes, je sais pas. Je suis pas trop manuel, moi, je suis... plus dans la gestion moi, du truc. Moi, j'adore gérer. Moi, en mode manager, quoi. Moi, j'aime beaucoup gérer, genre, j'aime beaucoup les chiffres, gérer les choses. L'argent. Mais, j'aime beaucoup gérer l'argent aussi. Mais j'aime beaucoup ma double casquette, en fait. Pour l'instant, je pense que nos rôles nous conviennent parce que même eux, ils sont d'Emmanuel, mais au final, ils font pas que ça, ils sont avec moi. Et puis, en fait, tout ce qu'on fait pour l'instant, au niveau où on en est, on arrive à les trois intervenir sur beaucoup de choses. Tu vois, donc après, je sais que plus tard, quand ça prendra une plus grosse ampleur, parce qu'on veut que ça prenne une plus grosse ampleur, donc on fera tout pour, mais je suis peut-être poussé à me spécialiser peut-être dans la gestion et délaisser le côté commercial, ou choisir le côté commercial et délaisser la gestion. Mais je t'avoue, pour l'instant on n'en est pas encore là. Pour l'instant on arrive parce qu'on au final on est une équipe les trois. Ah non, même pas. Si, mais j'attends pour l'instant finisse. Ouais, je dis, pour l'instant on est les trois. Moi je gère le côté commercial, mais au final Vic aussi et Louis, ils ont aussi un gros côté commercial aussi, puisque ils ont aussi leurs contacts qui arrivent, ils peuvent avoir des clips de leur côté. Et voilà, non, on est vraiment... En fait, je pense au début, ce qui est important, c'est de pouvoir faire beaucoup de choses. C'est plus tard que tu es obligé de te spécialiser. Pour l'instant, on doit savoir faire beaucoup de choses et on est obligé de savoir faire beaucoup de choses. comme à mon habitude, je vais te reposer la même question sous un autre angle. Vas-y, dis. Là, tout neuf, tout beau. Hein. C'est cool, vous êtes trois, c'est la belle vie, bla, bla, bla. Je sais, bla, c'est quoi la gueule. Mais bon, il y a toujours embrouille à un moment. Quand tu auras embrouille, lui, il sait faire des clips, lui, il sait faire des clips. Lui, eux, ils peuvent continuer à faire du bif de leur côté tranquille. Toi, tu vas où? Tu vas où? Bah, moi, je pense que... Il y a déjà eu des embrouilles au tennis. Ah non, mais je te parle genre d'embrouille, ça se tire dessus. Il n'y aura dessus, pas d'embrouille. Moi, je... Parce que... Non, mais tu verras. Ouais, ok. En vrai... Non, là, c'est la question... Tiens, on est au bout du truc, tu vois. Ouais, ouais, ah, ça, en vrai, vois... je pense qu'il faut que tu comprennes, c'est que... Le... Excuse-moi, je comprends. Non, en fait, non, mais je parle pour toi. Vraiment, c'est pas. Tu comprends que je t'emmerde. Que tout le monde. Non, mais ce que tout le monde. En fait, c'est que. Une entreprise, en fait, à la base, c'est un corps, c'est quelque chose, c'est une spécialité. Donc là, c'est les clips, c'est la réalisation de clips. Vous êtes. Pardon, vous êtes auto-entrepreneur ou c'est quoi? Vous êtes déclaré comment? Pour l'instant, on est auto-entrepreneur et on passera en société. Côté, on va passer. Le plus tôt possible. Mais pour l'instant, en fait, à la base, voilà, c'est vraiment. Donc là, le corps du métier, c'est la réalisation de clips. Seulement, dès que t'arrives à un niveau. Ton entreprise, t'as des métiers qui sont obligatoires, que ce soit un gestionnaire, c'est obligatoire, tu peux pas t'en passer, et ce soit aussi un commercial et tout. Et au final, même si c'est pas leur travail qui est mis en avant, parce que c'est le travail là qui est mis en avant, c'est leur patte, c'est leur travail, au final, il y a quand même beaucoup de travail derrière. C'est okay. Pas forcément que la réalisation de clips. Là, tu... Et même, on veut pas faire que ça en soi. Et en soi, on veut pas faire que ça, on va se spécialiser. Là, on va pas se spécialiser. J'entends tout ce que vous me dites et je suis totalement d'accord avec tout ce que tu as dit. Mais la question, c'est au moment de la séparation, eux, ils peuvent continuer à vivre ce lifestyle. Et toi, en fait. Parce que tu seras que manager ou gestionnaire, tu vois. Tu pas forcément Le truc en fait, c'est que on part de la réalisation de clips, donc là c'est l'objectif, tu vois. Après, à notre petite échelle, on essaie déjà d'intervenir sur des making of, des choses comme ça. Là c'est un peu plus moi qui cadre les making of, c'est moi qui les fais parce que eux ils travaillent, ils sont en train de les faire. Et tu vois, petit à petit j'interviens de plus en plus dans le côté un peu manuel, si tu veux. D'accord. Parce que si au bout de votre histoire, s'il y a un bout, eux ils pourront se vendre ailleurs. Parce qu'ils savent faire des clips. Moi, je pense qu'en en 3 mois, j'ai appris énormément de... J'ai beaucoup appris, comme eux aussi. Ouais, tu pourrais faire un On petit... a énormément appris et je pense que je suis capable de... D'en faire un. De non pas dans les clips, mais j'apprends des compétences qui sont diverses. Et je suis capable de... Même si ça ne m'intéresse pas vraiment, mais je serais capable de me vendre sur le marché du travail, c'est pas un problème. Mais ça ne m'intéresserait pas. C'est bon, tu t'arrêtes de vouloir après, les séparer là. Je sais pas si tu, si tu veux m'employer. Je sais. Non, mais c'était pas. C'était pas non, le... non, mais oui, en vrai, en tout cas, là, ce qu'on vit pour l'instant, on essaie au maximum déjà de. On pense. Ce qui est normal au début, si tu pars dans l'idée qu'il y aura une embrouille plus tard, tu fais rien en soi. Mmh. Donc en fait, pour nous, il n'y aura pas d'embrouille plus tard. Et s'il y a un jour une embrouille, là, on est en train d'amagasiner beaucoup de compétences et on apprend énormément en soi. Bah si, on a plus de questions. Je sais pas, on est... Moi on m'a dit on est au salon, on parle tranquillement. Non, bah cool, on est là, je trouve. Ils sont intéressants les gamins en face. Non mais en fait, vous connaissez les psychiatres de la rime? Ouais. Ok, il y avait Soprano, Alonso et Vincenzo. Oui. Voilà, ils sont pas séparés, mais vas-y, chacun a fait son truc, tu vois. Chacun leur truc. Les putains lanchus, ils ont continué leur truc. Soprano, cartonne, avec ce qu'il fait. Alonso, il cartonne. Et Vincenzo... Frère, je sais pas si quelqu'un sait vraiment. Mais après, c'est... Dire I am parce que, je comprends le, je comprends talentueux, ouais. Mais après, talentueux, c'est nous ce qu'on fait, c'est des corps différents, mais c'est pas la même chose. C'est pas la même chose, mais c'était le seul exemple que je pouvais te donner. Tu vois, okay, il y en a deux qui savaient faire un truc clairement. Bah, ils continuent, ils ont su se vendre dans l'industrie du disque, et l'autre, on savait pas pourquoi il était là de base. Il est obligé de se faire inviter. Je sais pas pourquoi je suis là. Non, je rigole, t'inquiète, je rigole. Ah, lui, pareil, voilà, c'est ça. C'est ça, il y en a trois, mais l'autre, vas-y, tu vois, vas-y, viens, frère. Tekov, c'est le meilleur, gros. Ouais, c'est le meilleur. Je suis pas en train de dire que tu sers à rien. J'ai parce pas que des... Non, mais t'inquiète, j'en rigole. Hein, ta fonction, j'ai pas de. J'ai pas de. Là le truc, c'est que. Pense à toi. Non, t'inquiète. Mais non, mais même faut savoir prendre des risques en soi. Si tu vis tout le temps en te disant si jamais ça arrive, tu fais rien. Ouais, le truc, faut savoir. Là, nous, ce qu'on fait, on prend. on prend des risques, on se lance dans des trucs. Parce que nous, on a lâché l'école, on n'était pas... Moi, personnellement, j'ai eu mon déjà, c'est un choix, hein, en vrai. C'est purement un choix. C'était pas... On n'est pas parti en mode... Enfin, moi, perso, je suis pas parti en mode « Oh, j'arrive pas à l'école, j'arrête tout, ça me... Mmh, » ouais, l'école, j'y arrivais, ça se passait bien, mais c'est un choix de vie que je veux faire. C'est un choix, je me lance dans quelque chose, on prend des risques, ce qui est sûr. Mais en même temps, si j'en prends pas, je... Parce que moi, c'est pareil, c'était la représentation un peu que j'avais. Je me suis dit, c'est des jeunes, ils sont encore peut-être, je sais pas, à la fac ou j'en sais rien. Et à côté, ils font leur truc, tu vois. Et là, quand ils m'ont dit, on a 20 piges, 21, on a arrêté l'école, on est dedans. Ça veut dire qu'à un moment donné, déjà, il faut avoir confiance en soi, tu vois. Et t'es sûr de... T'es sûr de tes compétences et de tes capacités aussi, ah, tu vois, d'un côté. C'est-à-dire que maintenant, on se lance, tu vois. Ouais, c'est compliqué. Là, vu qu'on est dans les trucs de racisme anti-blanc, tout ça, pas dedans. Bon. Sans transition. Direct ça. Est-ce que vous avez quand même un backup avant de tout lâcher comme ça? Est-ce que vous avez un bagage... Un backup en mode une sécurité, sans filet. Là, vous n'avez pas tout lâché, sans filet. Vous avez quand même les parents derrière, etc., qui assumaient... potentiellement qui aurait pu assumer quand même parce que tout le monde ne peut pas faire ça, tu vois. Ah oui, ok. Tu vas prendre un mec de tout le monde ne peut pas se dire vas-y nique sa mère, je réussis bien à l'école, je lâche tout pour faire de la vidéo. Ça c'est sûr, après c'est dans la vie, enfin dans la vie que t'as des chances, t'as des opportunités. Et nous on essaie de saisir ce qui s'offre à nous. Après c'est sûr que on a eu la possibilité de faire ça, tu comprends, donc je comprends que peut-être pas tout le monde a cette possibilité là. Après on n'a pas la, il y a d'autres qui ont d'autres possibilités en soi et qui ont fait d'autres choses. Bien sûr. Et nous on saisit juste cette possibilité pour faire quelque chose de très sérieux. Je suis pas en train de, prends pas tout ce que je dis comme une attaque, hein. T'inquiète, moi je suis mais là je suis pas en train de dire que toi tu as eu cette chance et pas d'autres. Juste je suis en train de dire que, enfin la question que je te pose, que je vous pose à vous trois, est-ce que le fait de vous dire je lâche l'école, je vais essayer de vivre de la vidéo, est-ce que vous aviez quand même une assurance d'avoir les parents derrière qui pouvaient vous assumer, entre guillemets, si ça allait pas? C'est ça la question. Déjà, il faut savoir que moi, perso, quand j'ai lâché, je vivais déjà de ça. D'accord. Et après, ouais, mes parents, moi, ça, ils pourraient m'aider si jamais ça marche pas. Ouais, t'avais cette assurance, t'étais pas en mode... Si jamais, j'ai encore mes parents, tout ça, ils peuvent un peu m'aider. Mais, ouais. Ok. Et pareil pour vous deux? Ouais, ouais, pareil. Parce que c'est... Pareil pour moi. C'est compliqué, hein. Moi ça a rien à voir. Moi je me suis mis en appart très tôt. Je me suis dit putain, si j'ai personne pour m'assurer, je peux pas le faire en fait. C'est la même valeur. Enfin, c'est à peu près sûr. Après, c'est plus dangereux pour vous, je trouve quand même. C'est sûr. Après ça marche, hein. On fait pour que ça marche. Après ça marche à notre échelle pour l'instant. Nous on veut beaucoup plus, c'est ce qui est normal. Et après, les parents sont derrière. Nous, notre objectif, c'est aussi de s'émanciper. Hein. On veut partir. Et pour l'instant, on prend les décisions pour s'émanciper. Voilà, moi, j'ai tout lâché pour. Hein. Ouais, donc, on vit pour ça. Et puis, après, les parents sont là aussi pour aider. Hein. Si demain j'ai un gosse et puis qu'il veut faire comme vous, vas-y fonce mec. Non, c'est ça. Je suis pas en train de dire fils de riche ou quoi que ce soit. Non, du tout. On le prend pas comme ça. Moi après j'ai eu des discussions avec mes parents. Tu vois, la discussion qu'on a eue là où tu me dis Louis et Victorien ils sont dans le manuel, toi t'es à côté et tout. Ouais. J'ai eu avec mes parents en a discuté. C'est des discussions, c'est sûr. Après faut en parler. Bien sûr. C'est des choix. C'est beaucoup de choix, beaucoup de discussions. C'est pas facile. Mais si tu le sens comme ça, après je sais pas, je peux pas te dire. Pour moi là, nous ce qu'on est là pour l'instant où on en est, ça fait 3 mois. Pour l'instant on est juste surmotivé. On a envie de faire des choses très propres. On essaie de faire des choses très propres. Une star. Et puis voilà quoi. Nous on veut faire, tu vois. Okay. La question c'est qu'on veut faire. Et c'est lourd. Et après même à travers nous trois, il y a des profils différents, mais comme partout, tu sors dehors, tout le monde a un profil différent avec ses parents, avec ses trucs. Bien sûr. Ce qui est aussi intéressant en soi. Et c'est notre expérience à nous trois qui permet de faire ce qu'on réalise maintenant, ce qui est produit. Et puis Et même, ça peut paraître un peu bizarre au début, mais comme choix pour les parents. Et quand ils voient qu'il y a de l'argent qui commence à rentrer et qu'ils n'ont plus besoin de nous donner d'argent, ils commencent à comprendre aussi pourquoi on fait ça. Ouais, c'est parce que ça doit pas être évident. Façon... De là, tu vas voir ta mère ou ton père, tu dis ouais. Bah oui, mais, oui, voilà. Mais le... faire des clips de rap. Nous, notre principal. Ça doit te prouver aussi que t'es capable de. Ouais, c'est ça. En fait, nous, on veut se prouver à nous, déjà à nous-mêmes. Et puis après, la deuxième personne à qui prouver, c'est nos parents. Tu mets ta daronne à l'abri, comme ils disent. Une villa pour la maman. Prouver que t'es capable, c'est important. C'est important de s'accomplir. Et puis, c'est ce qu'on veut faire. Non, c'est on veut ça. Je m'y suis peut-être mal pris pour amener le sujet, mais. Bah, je sais pas si j'ai détourné ou tu me. Non, non, non. Je sais pas. Hein, je... Non, on est arrivé là où je voulais arriver, mais d'accord, je okay. Pour amener le truc, j'ai commencé avec le racisme anti-blanc. Non, ouais, sans transition. Ouais, voilà. Pas trop là-dedans. Enfin, le résultat. Eh ben d'ailleurs, si admettons là, genre là, vous continuez comme ça, 3, 4, 5 ans, allez, 10 ans. Vous êtes 10 ans plus tard, là, vous avez 30 piges, vous avez monté votre truc et tout, et il y a... Ça passe vite, 10 ans. Il y a un jeune, là, d'ici, il a 20 piges, il est comme vous, tu vois. Il est comme vous, il se dit, putain, moi, je lâcherais bien les cours pour faire de la vidéo, tu vois. Quel conseil vous lui donnerez à lui ? Après, moi, je lâcher, hein. Après, moi, je lui dirais... Non, en vrai, c'est très compliqué. C'est... Nous, nos journées, elles sont... Vu que t'as pas de non mais en vrai vu que t'as pas de stabilité en soi, dire quand t'as un clip qui est annulé et t'as un truc qui est... ouais bien sûr t'essaies de rebondir mais ça c'est toi quand même tu vois si on te dit que ton travail est pas bon c'est toi c'est ton travail à toi c'est vraiment très personnel et après si tu le sens si t'as envie de te lancer lance-toi après tu peux que regretter mais c'est bateau ce qu'on dit mais c'est vrai si tu te lances pas tu mais c'est très dur. Moi, ouais, je lui dirais que c'est très dur. Rien, quoi. C'est ça. Mais moi, je lui dirais que c'est très dur et c'est pas comme on l'imagine. Mais okay. Ouais. Pour après. C'est pas tout beau tout rose. Hein. C'est pour dire. Ouais, ce serait pas rigolo. Bah, c'est sûr, ce serait pas rigolo, mais. Y a qui sait, y a qui comme jeune. Pas, non, non, mais en vrai, je pense qu'il y a plein, de jeux, tu vois. Un mec lambda lâche tout, fait des clips. Après, il y a aussi le fait que ce soit une passion pour nous. Oui, c'est ça. Pas, tu vas commencer dans un domaine que tu kiffes pas forcément et tu vas arrêter pour faire ça parce que c'est une passion. Il y a des millions de passionnés qui vivent pas de leur passion, même s'ils arrêtent tout. Après, il y en a aussi. Moment, ils y retournent. J'en connais. Là, dans l'émission, il y a que DRK qui fait les prods aussi, qui nous a dit qu'il vivait de ça. Dans tous les mecs qu'on a eu, on a vu au moins 24 ou 25 personnes différentes. Il n'y a que lui et vous aujourd'hui qui nous dites que vous arrivez à vivre de ça. Donc, Après, aussi, c'est différent. Quand tu es un rappeur, ça va être plus compliqué de gagner ta vie. Mais quand tu vas la gagner, en général, tu vas très bien la gagner. Mais pour percer, c'est archi compliqué. C'est compliqué. Ouais. Alors que dans la vidéo, c'est plus rapide. C'est différent. Ouais, c'est... Tu peux... ah, juste de notre petit âge, moi j'ai 27 ans. J'ai vu des mecs se lancer dans leur truc. Ouais, mon truc, c'est les magasins. Je dois avoir un magasin de sable. Tac, tac, tac. Ils se lancent, ils lâchent tout. Un an plus tard, ils sont plus là. Tu vois. Bah, c'est pour ça que je te dis. Et après, faut c'est... être bon aussi. Faut être bon dans ce que tu fais en vrai. Parce qu'il y a plein de gens qui peuvent arrêter, mais qui sont nuls dans ce qu'ils font. Je dis pas que le mec qui avait le magasin ou quoi, il était nul. Mais quoi, t'habites où, toi ? Tu es nul. C'est pour ça que la première chose que je dirais quand tu me demandes des conseils. Même si pour moi on n'a aucun conseil à donner parce que pour l'instant on n'est pas grand chose. Mais la première chose que je dirais c'est que c'est compliqué. Ça se fait pas comme ça. C'est compliqué. Déjà c'est énormément de travail. On va pas se mentir, c'est énormément de travail et c'est énormément de don de soi. J'allais dire, ça veut rien dire, mais faut tout le temps donner de soi. Faut sans cesse déjà, les clients, il faut aller les chercher. Maintenant, il y en a beaucoup qui viennent, mais il faut déjà soumettre son travail à la vie des gens, ce qui est déjà pas facile en soi, parce que quand on soumet son travail à la vie des gens, toi, c'est ton travail, toi, t'es fier de ce que tu fais. Enfin, j'espère. Mais oui, ils ont peut-être pas forcément. Mais quand tu te reçois un truc où en mode, ouais, c'est nul, pas intéressant, il faut l'accepter. Oui, mais tu vois, c'est pas forcément. Tous les gens passionnés, sont peut-être pas forcément capables de l'accepter, tu comprends. C'est une étape quand même. Et en fait, quand tu te lances dans quelque chose comme ça, il faut être capable de passer par des étapes comme ça. Et c'est énormément de travail sur soi. C'est énormément, énormément de travail sur soi. Tu sais que le ouais, c'est nul, c'est super important. Parce que bah bien sûr. Si dans ton équipe, dans ton entourage, tout le monde te dit ouais, ça pète, tu progresses pas. L'avantage d'être à trois, et c'est le délire Purple Vision, ce qui est adorable, c'est que. Adorable. Non, mais ce qui est cool, c'est que nous, on se le dit entre nous. Ouais, c'est nul. Mais après, c'est votre cosmos à vous. Mais bien sûr. Vous avez une certaine symbiose entre. Ouais, on parle de. Ouais, je suis ouf, moi. Il y a un certain truc entre vous, en fait. Donc, si vous.